Lorsque survient un décès, il est important d'être accompagné par une équipe de professionnels qui sauront bien vous épauler pendant cette période de tristesse. L'équipe de Hébert et Fils est une entreprise 100% locale qui crée des emplois dans notre milieu. Nous faisons partie de la Corporation des Thanatologues du Québec. Hébert et Fils, 2355 Boulevard Walberg, 418-276-1411. Toute l'équipe de Hébert et Fils rappelle que l'achat local est vital dans notre économie. Yannick Jean était de passage hier sur les ondes de CKJ avec Michel Thifault et Dominique Bolduc pour parler du périple dans les maritimes. Donc on écoute l'entrevue de Yannick Jean sur les ondes de CKJ. Hockey Junior. Il est 4h moins quart, 15h45. On va discuter avec l'entraîneur-chef des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Avec un voyage comme celui-là, de l'autobus, les chambres d'hôtel, est-ce que ça permet au coach d'installer une meilleure communication avec ses joueurs en début de saison? Ça dépend. Ça nous permet de mieux les connaître. Tu sais, des voir vivre ensemble, des voir vivre en famille. Définitivement, on a une meilleure lecture là, sur plusieurs joueurs. Puis, tu sais, les joueurs qui n'ont pas joué avec nous dans le passé, tu les connais pas nécessairement. La base, c'est vraiment d'apprendre à connaître nos joueurs, puis ça nous a permis de le faire. En as-tu profité pour faire quelques petits meetings personnels avec certains joueurs? Ouais, mais tu sais, ça, on le fait peu importe qu'on soit à la maison, qu'on soit sur la route. Ça, c'est des choses qui se font là, quotidiennement. 3 points sur 6 dans le voyage dans les maritimes. Est-ce que tu es satisfait, Yannick? Oui, je suis satisfait de la manière. C'est 3 matchs d'un but, 3 matchs serrés. C'est certain que les tirs de travail vont en augmentant. C'était pas facile. Là. C'est une première expérience pour plusieurs nouveaux joueurs. T'sais, on a quoi, une quinzaine de nouveaux joueurs. C'est la première fois qu'ils faisaient un long voyage comme ça. Guermane, oui. Il y a des choses à travailler. Dans la deuxième période, je sens que c'est un petit peu moins bon. Il y a des choses que tu fasses quand tu as des longs changements. Les 3 matchs, c'était des arénas où est-ce que les bancs sont côte à côte. En deuxième période, on a eu plus de difficultés. C'est des choses là, qu'il faut falloir remédier. Tu me parles de ça, là, les bancs côte à côte. Comme instructeur, tu aimes mieux les bancs un en face de l'autre? Non, peu importe. C'est égal pour les deux équipes quand ils sont... côte à côte, mais il y a une différence entre la manière de jouer quand tu as des bancs, t'as de le long changement en deuxième période. Tu peux pas te permettre de tirer des chiffres, tu peux pas te permettre de créer des revirements parce que tu restes dans ton territoire longtemps alors que l'adversaire en profite pour apporter des changements, puis toi, t'es vraiment dans le trouble. Donc, il y a une manière de gérer la rondelle, il y a une manière de changer également en deuxième période, puis ça, on le fait pas bien en tant qu'équipement encore. Germaine Roussoff a compté un but. Est-ce que ça peut l'aider à débloquer pour compter plus souvent dans l'avenir? Ah, première des choses, il faut qu'il lance plus souvent. Il veut faire des jeux en périphérie. Au lieu d'amener plus de rondelles au filet, c'est ce qu'on essaie de lui rappeler. C'est pas un joueur qui a une mentalité de lancer assez. Faut vraiment le cogner sur le clou pour qu'il continue d'amener plus de rondelles au filet. Il l'a pas fait encore assez cette saison. C'est le cas de Roupstoff. Puis quand je vais au match au Centre Georges-Vézina, c'est sûr que dans les gradins, des fois, on est mauvais juge. Mais il me semble que les joueurs lancent pas assez souvent. Des fois, on se dit, ah, oh, il lance une belle, ou, en avantage numérique. Des fois, on dit, tabarouette, passe, puis un autre passe. Il l'envoie dans le coin. Puis des fois, on se dit, vont-tu lancer à un moment donné? Faut vraiment qu'il y ait une bonne chance, dans le fond. Oui, mais tu sais, lui, plus que d'autres, il était élevé comme ça, il a grandi comme ça en essayant de garder la rondelle. Tu sais, sur les glaces internationales, quand tu vas voir un match sur des grandes glaces en Europe, tu sais, les lancers, ça finit 21-19. Puis on le voit souvent au Centre Georges également. Deux équipes qui sont habituées de jouer sur une grande glace. Ils ne se retrouvent pas à l'extérieur. Ils n'arrivent pas à la ligne bleue en lançant automatiquement la rondelle vers le filet, contrairement sur une petite glace, parce que c'est excessivement long récupérer une rondelle le long des rampes. Là, c'est loin. Donc, tu sais, il y a une manière de gérer la rondelle. Lui, ben, dans son cas, il a grandi toute sa vie sur des plus grandes glaces. Il est habitué de jouer d'une certaine manière. Mais s'il s'en vient en Amérique du Nord, c'est pour se préparer à jouer dans la Ligue nationale. Donc, il faut qu'il change un petit peu la mentalité. C'est pas la Ligue nationale qui va s'adapter à lui. C'est lui qu'il faut s'adapter à la Ligue nationale. Hein. Oui, c'est certain. Tes gardiens continuent de relever le défi. Crois-tu maintenant qu'ils peuvent le faire encore une bonne partie de la saison? Ben, à gérer comme ça, il n'y a pas un des deux qui est fatigué. Les deux savent qu'ils vont retourner. Ils ne goulent pas avec une pression là, sur les épaules. J'ai l'impression qu'ils sont en progression, les deux. Puis même quand il y en a un, mettons, qui a un moins bon moment, l'autre est là. Puis non, honnêtement, jusqu'à maintenant, je suis agréablement surpris de la manière que ça se déroule pour les deux. Olivier Galipeau est vraiment un bon général comme capitaine. Est-ce qu'il est un bon allié pour toi, un bon allié pour toi? Oui, c'est le leader ultime. Peu importe n'importe quelle équipe à travers la Ligue, c'est le meilleur défenseur dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en ce moment. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une organisation professionnelle qui lui fasse signer un contrat d'ici la fin de la saison. En tout cas, on commence à avoir des pourparlers. Les dépisteurs me parlent de plus en plus pour Galipeau. Puis, en l'absence de Girard, je pense que c'est vraiment lui le général dans la Ligue de hockey, le junior majeur du Québec en ce moment. Tu l'as mentionné tantôt, Yannick, tu as une quinzaine de nouveaux joueurs. Est-ce que les gars commencent à s'acclimater à la grande glace et à ton système de jeu? À la grande glace, c'est plus difficile un peu. On est beaucoup meilleur sur la route, j'ai l'impression, que l'an dernier. L'an dernier, à ce date-ci, puis même, ça a été difficile à aller jusqu'au mois de janvier de jouer sur la route. On s'est acclimaté beaucoup plus facilement à la maison parce qu'on avait beaucoup de joueurs qui revenaient de la saison d'avant. Cette année, c'est un petit peu le contraire. C'est plus facile de s'acclimater sur la route parce qu'on a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont habitués à jouer sur une plus petite patinoire. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus long, par contre, là, ça, pour les matchs à la maison. L'an dernier, les Sags avaient la cinquième meilleure défensive. Cette année, encore du succès en défense. Comme coach et comme ancien défenseur, je pense que tu as le don d'inculquer l'art de bien appuyer les gardiens de but. Ben, on n'a pas le choix. Il faut le faire. Si tu veux rivaliser en deuxième moitié de saison, si tu veux être bon dans les séries éliminatoires, et tu te dois d'avoir une bonne défensive. Je dis souvent ça à du monde, c'est un peu à la blague, mais j'aime mieux des fois des soirs perdre 1-0 que de perdre 9-8. Que gagner 9-8, c'est pas vrai. T'sais, c'est une blague qu'on fait, mais quand tu perds des matchs 1-0, 2-1, ben, tu sais qu'à long terme, ça va revenir. Quand tu te mets à gagner des matchs 9-8, tu triches, mais les matchs serrés, t'as beaucoup plus de difficultés. Je suis convaincu que quand t'es bon défensivement dans la Ligue de hockey junior du Québec, tôt ou tard, tu vas avoir du succès. L'an dernier, on finit quoi? Cinquième, tu me dis, on était 1-6 en début de saison, puis on était quand même 4e. On savait que ça allait débloquer. On sait encore que notre défensive, on joue bien défensivement en tant qu'équipe, même si on a seulement 2 défenseurs qui ont joué dans la Ligue de hockey, dans notre ligue l'an dernier, qui sont Groslo et Galipeau. En l'absence de Noss, depuis le début de la saison, ça nous a fait mal. Puis on se maintient quand même dans les bonnes défensives. Donc, c'est ça qu'on veut être, de la discipline dans notre système de jeu. Puis les joueurs le font de mieux en mieux. Comme instructeur et comme directeur général, Yannick, ton but, c'est de développer les jeunes juniors. Est-ce que l'apprentissage va à ton goût actuellement? Oui. De plus en plus, je vois de l'amélioration, mais tu sais, on est encore loin encore. C'est un long processus, puis on voudrait des fois que ça aille plus vite, mais on peut pas prendre de raccourcis. Il faut y aller étape par étape, puis continuer d'inculquer des bases à nos jeunes. Prochain match, jeudi, contre les Olympiques de Gatineau. Est-ce que tu prévois des changements? On s'attend à ce que Morgan Nord soit de retour dans l'alignement. Donc, de ce côté-là, là, défensivement, ça va nous aider. Monette également, là, qu'on ne sait pas, il est sur un protocole de retour de commotion cérébrale. Donc, on va voir là, peut-être que si ces deux défenseurs-là sont dans l'alignement, ben là, on va pouvoir se mettre à jongler avec notre défensive, un peu comme on peut le faire depuis la semaine dernière là, avec notre offensive. Et ce sera Drummondville, vous terminez Drummondville dimanche. Est-ce que tu continues l'alternance des gardiens de but? Jusqu'à maintenant, ça connaît du succès? Oui, sûrement. On ne sait pas encore là, pour jeudi, mais c'est certain qu'il y en a un qui va en gauler deux, puis l'autre va en gauler un, là, mais c'est certain qu'on va continuer dans cette optique-là. Yannick, merci beaucoup. On se reparle lundi prochain. Merci à vous autres. Au revoir.